Il est midi. Ça y est, c'est la rentrée à l'Université de Lille. Radio Campus est partenaire des journées d'immersion à la vie étudiante. Les JV se dérouleront du 30 août au 30 septembre avec des moments forts. Les campus en fête le 9 septembre, concert d'ouverture de saison à la Maison des étudiants Cité Scientifique le 16 septembre avec No Water Please, une grande soirée cinéma le 23 septembre et la grande soirée de clôture à la gare Saint-Sauveur avec les Vulves Assassines et Naïves Newsbeaters le 30 septembre. Pour plus d'informations sur les JV et sur les consignes sanitaires en vigueur, rendez-vous sur jv.univ-lille.fr. Alors venez nombreux! Tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, sur Radio Campus. Écoutez en podcast, en tout cas, il est midi pour nous, et nous sommes en direct sur Radio Campus, pour vous proposer Angle d'attaque, une émission des trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque à deux terrassés, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et l'action citoyenne, il va en être question. Avec à la table de mixage Jean-Jacques, qui passe au rouge tous les lundis à 19h, mais pas seulement. Bonjour. Didier le novelliste. Bonjour. René la science. Bonjour. Et Christian, présentement au micro. Une équipe restreinte pour servir l'information qui nous concerne. Et justement, de quoi parlons-nous aujourd'hui? J'en ai déjà dit un tout petit peu dans l'émission précédente, l'émission Débit de lait. On va parler de l'action citoyenne. C'est déjà le leitmotiv connu d'attaque. C'est un peu plus qu'attaque aujourd'hui. En effet, peut-être avez-vous entendu parler d'Université des mouvements sociaux et des solidarités qui a eu lieu à Nantes fin août. Sinon, si vous nous écoutez, sûrement l'avez-vous entendu. Que s'est-il passé à Nantes? La présentation d'une proposition pour un plan de rupture. Ce plan est issu du mouvement Plus Jamais Ça, réunissant, et c'est original, des associations et des syndicats. Rien que ça, donc, c'est déjà pas banal, c'est surtout fort. Tous syndicats et assos étaient représentés à l'université d'été pour la présentation du plan de rupture devant pas loin d'un millier de personnes. Un moment fort donc. Plan de rupture pourquoi? Plan de rupture avec quoi? Et depuis quand? À qui le propose-t-on? Avec quels moyens? On va vous expliquer tout ça et c'est Didier qui démarre. Oui, donc sur un bref historique du collectif, bon, c'est quand même une affaire qui remonte à assez loin, puisqu'on peut parler de août 2019 et du contre G8 à Biarritz, où il y a déjà eu des contacts, des prises de position et surtout des dialogues entre notamment des syndicats de salariés et des associations écologiques, notamment la CGT et Greenpeace, avec Philippe Martinez et Jean-François Julliard qui ont justement débattu, un débat qui a été retranscrit dans les pages de Politis. Bon, les origines du collectif, ça, c'était aussi les marches climat, les gilets jaunes, les mobilisations sur les retraites. Bon, un besoin de convergence qui a porté donc associations et syndicats à discuter, à entamer un dialogue et à s'unir. Alors au niveau des forces en présence, bon, au départ c'était 8 organisations, c'est-à-dire 4 syndicats, donc CGT, FSU, Solidaires et la Confédération Paysanne, et 4 associations, ATTAC, Greenpeace, Oxfam et les Amis de la Terre, donc qui ont été rejoints par, maintenant on compte plus de 30 associations, il serait un peu fastidieux de les citer toutes, mais enfin... On va simplement souligner la diversité. On a aussi bien des syndicats de lycéens que le syndicat des avocats de France, que ANV Cap21, Alternatiba, des associations environnementales et écologiques. Donc c'est vraiment un mouvement assez large et assez profond, donc qui réunit beaucoup d'acteurs du mouvement social. Et bon, sur l'expression du collectif, bon, il y a déjà eu le premier appel, c'était l'appel pour la justice sociale et le climat qui était paru dans le journal du dimanche, assez étonnamment. Donc ça, c'était le 18 janvier 2020. Donc c'était déjà des revendications pour une société écologique et sociale. Donc c'était un peu la reprise des slogans. Fin de mois, fin du monde, toutes les revendications qui convergeaient pour justement mettre la justice sociale dans le combat écologique. Et ensuite, il y a eu une tribune qui s'appelait Nommez plus jamais ça, donc qui s'appelait Signons pour le jour d'après, puisque c'était aussi sous forme de pétition, et elle est parue dans l'Humanité, sur le site de Mediapart, et évidemment dans les sites de toutes les organisations protagonistes. Donc, que disait cet appel? Ben, en gros, il faisait le lien, évidemment, entre capitalisme et pandémie. Et il soulignait la nécessité, justement, de sortir de cette crise par le haut, en favorisant justement les convergences entre les mouvements sociaux, donc les syndicats, les associations de toute nature, pour essayer justement de mettre au point des objectifs chiffrables, des objectifs précis pour sortir justement de ce capitalisme mortifère. Voilà en gros la présentation. Donc Christian a parlé de l'université des mouvements sociaux qui a eu lieu fin août à Nantes, du plan de rupture et du pas d'emploi sur une planète morte. Je lui laisse la parole pour nous dire un peu comment plus jamais ça s'est invité dans l'université des mouvements sociaux de Nantes. Oui, alors, l'université d'été, c'était à Nantes, on vient de le répéter, c'était la dernière semaine d'août. Dans un très bel endroit qui est au bord de la Loire, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, qui est une véritable catastrophe en termes d'organisation. Pas d'attaque d'ailleurs, mais je parle du bâtiment. Et on en a bien souffert, mais enfin, ça nous a fait quand même pas mal rire finalement. Sachez qu'un bâtiment où il y a trois rez-de-chaussée et les deux premiers étages, deux deuxièmes étages, c'est assez marrant quand même pour s'y retrouver. Alors, ce qui se passe à Nantes, c'est la présentation officielle, on va dire, de ce projet qui vient de plus jamais ça, je reviendrai sur cette expression, et de cette proposition de plan de rupture. Et donc, c'est la question, c'est bien de savoir, c'est de plan de rupture avec quoi, pour qui, ouais, et comment faire, quoi. Alors, je vais d'abord dire un mot parce que ça m'a énervé. C'est les expressions, quoi. L'expression « plus jamais ça », on a tous, nombreux sont ceux qui ont trouvé assez mauvaise. Et « plus jamais ça », alors quand j'ai regardé un moment sur le fournisseur d'accès, qu'est-ce que c'est, à quoi on correspond ?« Plus jamais ça », généralement, c'est les viols d'enfants. Et c'est plutôt le Monseigneur Barbarin qui est aux premières lignes de ce genre de choses, quoi. Donc ça m'a beaucoup gêné. On comprend mieux quand on va l'expliquer tout à l'heure, quand René expliquera ou Didier la chapelle d'Arblay ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est une expression qui m'a gêné. Et effectivement, pas d'emploi sur une planète morte, c'était pas vraiment très heureux non plus. On pourrait dire « il n'y a pas d'emploi sur une planète morte », c'est déjà mieux, mais direct comme ça fait presque mot d'ordre. Et ça, c'est assez fâcheux. En revanche, je suis assez vraiment content de cette proposition de ce plan de rupture. Dans la mesure, bon, on va dire un peu littéralement, les objectifs. Il y a deux objectifs. C'est démontrer de ce plan de rupture, donc démontrer à travers l'articulation des mesures de court et de long terme l'ancrage réel de notre démarche, la démarche des syndicats et des associations. Le court et le long terme, ça veut dire qu'il y a l'idée d'une planification au sens où on pourrait l'entendre les planificateurs, mais on s'inscrit quand même un peu dans le temps, on essaye en tout cas. Et ça, c'est pas mal. L'objet surtout, c'est de montrer qu'il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste, autoritaire, qui est notre lot aujourd'hui, que ces alternatives sont crédibles, qu'elles sont désirables et réalisables, à condition, bien entendu, que la volonté politique et les moyens financiers y soient mis au service de ces objectifs de transformation sociale et de préservation de l'environnement. Il s'agit effectivement d'éviter, d'arrêter d'être soumis aux différents lobbies, notamment les lobbies financiers et bancaires, dont on sait comment ils sont présents dans les industries d'extraction, par exemple. Un grand nombre ne nous l'auront pas. Les choses, on ne les a pas inventées toutes avec ces 36 propositions et ces 10 objectifs. Il y a déjà des choses qui sont là. C'est ce qu'on appelle le déjà là, d'ailleurs. L'éducation nationale existe, les hôpitaux existent aussi, les hôpitaux publics. Le problème, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on y fait. Hein. Les hôpitaux continuent de licencier. Il y a quelques difficultés avec... Il y a aussi un manque de profs un peu partout. René, tu voulais intervenir. C'est surtout justement stopper déjà la casse de ces services publics, notamment l'hôpital, mais aussi l'éducation nationale. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc voilà. En fait, c'est pas mal vu, je crois, tout ça dans un fonds de renouvellement démocratique absolument indispensable si on veut affronter communément, en commun, les questions de défis que nous pose le climat. Donc il faut vraiment un renouveau démocratique des personnels, des élus, des usagers, des décideurs, en fait. Revoir un peu comment ça fonctionne. Alors moi, pour ma part, ce que je viens de vous dire, c'est un peu dans l'introduction du plan de rupture. Moi, j'y vois à peu près trois grandes parties. La première et la deuxième partie, il s'agit de répondre aux exigences démocratique, sociale et écologique du 21e siècle. Pour moi, c'est les objectifs de 1 à 4. Voilà, il y a des choses... Alors, à commencer par le début. Le début, c'est le fait que... On parle directement de la crise, quoi. Je pense que l'ancrage des 36 propositions démarre bien dans la mesure où on parle de la crise Covid. Qu'on a subi avec l'absence de masques, l'absence de vaccins, enfin bon, etc. On n'en revient pas là-dessus. Mais le fait de commencer la première mesure là-dessus est tout à fait significatif de la volonté de l'ancrage des signataires de ce plan de rupture. Ça, c'est la première et la deuxième partie, donc les objectifs de 1 à 4. Je vous recommande évidemment d'aller voir sur le site d'Attac France le détail. C'est en 21 pages. Hein, c'est assez presque agréable à lire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une troisième partie, c'est partager les richesses et financer la transition écologique. Il faut effectivement s'attaquer et refondre le système bancaire et financier et la fiscalité. Ça, ce sont les objectifs 5, 6 et 7. On reconnaît bien entendu ici la main d'attaque, hein, bien sûr. Quatrième partie, des mesures que j'appelle courageuses, hein, permettant une reconversion sociale et écologique de la production agricole, industrielle et de la production, si on peut le dire comme ça, et des services. Il s'agit de créer des milliers d'emplois, c'est ce que propose la proposition de plan de rupture, et améliorer donc les conditions de travail, donc on comprend bien... de quoi il s'agit quand on est au travail aujourd'hui. Ce sont les objectifs 8, 9, 10. Une économie de la production de qualité. Hein, j'aime bien le mot de Gadret. Arrêtons la productivité, productivisme. Arrêtons la productivité pour la productivité. Essayons de produire de la qualité. C'est quand même essentiel. La qualité d'une production aussi agricole, ça fait partie, pour avoir une consommation saine et une économie de la sobriété. Voilà à peu près ce que... Une présentation un peu rapide, certes, mais j'espère que vous la trouvez complète, de ce plan de rupture dont on va continuer peut-être avec Didier. Oui, moi je vais surtout, signaler les quelques réussites parce que bon, il y a l'aspect évidemment programmatique, théorique, mais il y a aussi des luttes sur le terrain qui ont été donc menées par différents collectifs dans toute la France. Bon, il y a une mobilisation qui se fait autour du train de marchandises Perpignan-Rungis qui est mis qui est compromis par les politiques libérales. On a aussi là tout ce qui s'est fait autour de la coopérative des masques dans les Côtes d'Armor. Donc c'était reprise d'une usine de masques dont on a tant manqué au début de la pandémie, avec sur une entreprise quasiment autogérée. Bon, il y a aussi ce qu'on a vu avec la raffinerie Grand Puy, donc une raffinerie Total, où donc Total disait que on va reconvertir la raffinerie vers des objectifs écologiques. Bon, c'est ni plus ni moins que du greenwashing, et les salariés de la raffinerie Grand Puy l'ont bien compris. Et ils demandent donc de la poursuite de l'activité, donc il y a en lien avec Greenpeace, la CGT et ATTAC. Mais il y a aussi, on a eu un atelier à l'université d'été qui était consacré à ce qui se passe à la chapelle d'Arblay. Donc la chapelle d'Arblay, c'est une papeterie, enfin plus exactement un recyclage de papier. C'est quasiment 480 000 tonnes par an qui sont traitées à la chapelle d'Arblay. Donc c'est aussi une entreprise qui a son importance au point de vue écologique. Bon, l'entreprise est rachetée par un groupe finlandais, donc qui se propose justement de racheter la boîte et de pratiquer évidemment des licenciements avec des reclassements, mais enfin des licenciements quand même. Donc il y a un groupe de syndicalistes qui s'est justement qui a émergé de cette lutte à la chapelle d'Arblay avec les collectifs de Plus Jamais Ça, justement, pour proposer, demander d'abord un sursis qui a été accordé par le maire, et surtout proposer des pistes pour justement sauver l'entreprise avec des mesures qui nous ont été exposées, donc qui visent justement à continuer l'activité, à réengager les salariés licenciés selon des critères écologiques et sociaux. Donc un plan extrêmement convaincant qui nous a été justement expliqué tout au long de cet atelier pour Plus Jamais Ça. Voilà les quelques réussites qui pourront paraître éventuellement modérées ou restreintes, mais enfin c'est quand même l'occasion pour les collectifs et les syndicats et les associations écologiques de travailler ensemble et de se mobiliser sur le terrain sur des objectifs qui sont largement atteignables. Oui, alors il est important de ce que vient de dire Didier, mais tout ce que dit Didier est important, c'est que c'est un autre aspect de la proposition de plan de rupture et de Plus Jamais Ça, c'est d'avoir des exemples qui peuvent servir de modèle à d'autres, et René y reviendra tout à l'heure, à d'autres associations, groupes d'associations locales. Hein. Bon, ça c'est le deuxième aspect. Il y a l'aspect général, 36 mesures regroupant à peu près tout ce qui peut être fait. Et puis le deuxième aspect, celui d'agir sur des endroits locaux. Concrètes. Voilà. Oui, ça veut dire aussi que c'est un collectif de lutte et que, bon, on a parlé des services publics au début, mais il y a aussi, dans les signataires, il y a le comité de défense des services publics. Ça veut dire aussi que c'est vraiment, bon, c'est pas simplement une plateforme avec X propositions, c'est quand même aussi des luttes de terrain et des mobilisations justement pour une transformation sociale et pour justement sortir de l'ornière où on se trouve. Jean-Jacques. Oui, alors moi je suis extérieur, je suis à la technique et du coup je me mets à la place de l'auditeur et qui sait très bien, comme tout auditeur de Radio Campus averti, que bientôt il y a une élection présidentielle. Est-ce que ce collectif, Plus Jamais Ça, s'est organisé en fonction de cette présidentielle pour influer sur les différents candidats? Et si oui, est-ce qu'il y a déjà eu des réponses? Tu parles d'or, Jean-Jacques. Oui, oui. Alors, effectivement, c'est le deuxième aspect un peu du fond dont je vais parler maintenant. C'est qu'effectivement, cette proposition, j'en ai dit un mot à la fin de l'émission de Jean-Marc tout de suite, là. J'en ai dit un mot. Cette proposition de plan de rupture est véritablement un pavé dans la mare des élections présidentielles. Je reviendrai aussi là-dessus. Mais pavé dans la mare, pourquoi ? Parce que d'une part, Généralement, les postulants aux élections présidentielles demandent leur avis du bout des lèvres aux associations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, tiens, on pourrait prendre telle idée que vous avez. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Là, c'est plus du tout le cas. Là, avant d'avoir des programmes bien établis, et puis on a entendu des propositions un peu bizarres là pour l'instant, mais on propose quelque chose et on va le soumettre. Merci pour ta question. On va le soumettre aux différents partis politiques, tout en sachant qu'un certain nombre de partis politiques ou de mouvements connaissent. Possiblement au présidentiel, ont déjà des choses que nous connaissons et inversement, quoi. Donc, c'est un projet qui n'est pas dans le vent, au contraire. Il est vraiment, j'insiste sur l'expression, un pavé dans la mare pour les élections présidentielles. En fait, si j'étais vraiment maximaliste, je dirais, ce coup de Nantes, c'est le démarrage véritablement des élections présidentielles par le milieu associatif et syndical. D'autre part, effectivement, vous aurez remarqué qu'il s'agit du plan. Et un plan, c'est pas n'importe quoi. C'est pas dans la tête des libéraux, le plan, sauf pour leurs entreprises, mais pas nous gouvernementales. Donc, le plan, mais aussi l'État au centre des changements de notre société. Je n'ai pas compté le nombre de fois le mot plan intervient dans le plan de rupture, mais c'est pas mal. On compte beaucoup sur l'État, mais un autre État, certainement un État sans doute plus démocratique et laissant plus de place aux élus et notamment à l'Assemblée nationale. C'est pas dit ici dans notre proposition, mais on sait comment aujourd'hui l'Assemblée nationale est traitée par le gouvernement actuel. Alors, même si on ne voit pas d'ailleurs complètement le plan, mais c'est ce que j'ai dit, c'est en deux parties, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on pourrait faire demain? C'est en gros ça qui est proposé. Cécile Duflot, qui était présente à Nantes pour Oxfam, évidemment, a insisté. Le plan va au-delà des présidentielles. Bon, on est d'accord, mais il faudrait quand même, alors du coup, faire ce qui n'a pas été fait pour le coup, c'est introduire toutes les dimensions européennes, comment participer à l'Europe, notamment. Et là, vous comprendrez bien qu'on retrouve des choses déjà dites largement à attaque depuis des années, que vous retrouvez dans les propositions, je ne sais plus laquelle, c'est contre les projets européens avec le Canada. Le libre-échange, voilà, et aussi René. La politique de la BCE. Un petit peu, qu'on retrouve un peu dans les objectifs. Absolument. Donc le Mercosur, TAFTA, bien sûr, et CETA. Voilà. Donc l'intervention du plan de rupture dans l'Europe, c'est plutôt la BCE, la Banque Centrale Européenne, où on va lui demander carrément d'aider les États, les États et les collectivités locales, le cas échéant, de s'affranchir des contraintes de la dette perpétuelle avec ce qui correspond, d'une certaine façon, à l'annulation de la dette. Ça, c'est la mesure 21, si je ne m'abuse. Par ailleurs, je pense qu'il y a des choses assez... On passe au détail, Didier, si tu veux. Sur le détail du plan de rupture, donc on a 10 objectifs, Christian l'a dit, et on a 33 mesures. Donc j'insiste sur les deux dernières mesures qui sont justement qui font partie du plan de transition sociale et écologique de l'agriculture et de l'alimentation, avec garantir à toutes et tous un égal accès à une alimentation saine et de qualité, et instaurer la souveraineté alimentaire pour tous les peuples. Donc c'est des revendications qui sont portées depuis très longtemps par la Confédération paysanne et le mouvement altermondialiste. Et c'est deux propositions qui se sont ajoutées aux 34 initiales. et qui sont extrêmement importantes. Mais enfin, tout est important. Christian parlait du rôle de l'État dans la perspective du plan de rupture. Bon, c'est un État qui doit être d'abord soumis aux décisions de l'accord de Paris, et c'est un État qui doit être transformé de façon démocratique et écologique. Donc, il n'est pas question. C'est pas du tout l'État tel qu'il existe et tel qu'il a toujours existé. Au moins sous la Ve République, c'est quand même un grand changement à la fois démocratique et écologique. Oui, alors évidemment, je l'ai un peu dit lorsqu'il s'agissait de fiscalité et de finances, la main d'attaque sur les propositions de ce plan de rupture, évidemment, Didier a souligné celle de la Confédération paysanne pour les deux dernières mesures qui semblent quand même fort importantes. Il n'y en a pas de moins importantes que d'autres, mais celle-là me semblait vraiment pertinente par rapport à la malbouffe aujourd'hui, à la soumission du monde paysan ou du monde agricole aux industries agricoles et alimentaires et aux hypermarchés et autres, quoi, hein. Donc, effectivement, on va retrouver des choses sur des Amis de la Terre, bien sûr. On va retrouver Oxfam, je l'ai déjà dit, sur un certain nombre de questions. J'ai dit Oxfam, les Amis de la Terre, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Alternatiba. Oui, vas-y. Non, c'est juste que par rapport à ce qui vient d'être dit, donc dans le plan de rupture, les objectifs et donc les mesures, on peut attribuer en gros aux différents syndicats, aux confédérations paysannes, CGT, Solidaire, aux différentes associations selon leur sensibilité, selon leur champ d'action. Enfin, je veux dire que tout peut être tracé. Au niveau des associations et des syndicats, sauf que bon, il y a eu évidemment un consensus sur toutes les mesures. Et bon, si le plan de rupture va en deçà, un peu en deçà des objectifs spécifiques d'attaque, c'est aussi parce que évidemment il y a eu la recherche de ce consensus, et il fallait justement recueillir l'accord de tous les protagonistes, de toutes les associations et syndicats parties prenantes. Est-ce que tu pourrais donner des noms? Qui a tiré vers le bas les revendications là? Qui a tiré vers le bas, je ne sais pas si elles sont tirées vers le bas, mais simplement, il n'y a rien de maximaliste là-dedans. Il y a simplement une volonté d'agir ensemble. Et bon, il y a peut-être des... Moi, je lis régulièrement les publications d'attaque, je lis régulièrement les documents qui sortent. Et bon, il y a une plus grande radicalité chez attaque que dans le plan de rupture. Mais ça ne veut pas dire que le plan de rupture n'est pas intéressant. Je ne suis pas sûr que la réponse satisfasse Jean-Jacques, mais elle est juste, je crois. Hein. C'est 18 et plus associations qui discutent, forcément. On va avoir de la négociation. J'ai pointé un certain nombre de points qui étaient intéressants. Dans les mesures, dans les 36 mesures, dans le texte complet des 36 mesures, et pas seulement dans les intitulés des mesures, par exemple, le mot capitalisme n'apparaît pas. Ça, j'avais pointé. Et j'avais pointé également que dans la première mouture du plan de rupture, qui s'appelait, je ne sais plus, tu l'as dit tout à l'heure, Didier. C'était le plan de transformation écologique et sociale, donc voilà. L'appel pour la justice sociale et climatique. Dans celui-là, le mot rupture était absent. Donc, ça faisait beaucoup, quoi. Hein. Et donc, il me semblait quand même utile de regarder de plus près ce qui se disait. Alors, le mot capitalisme intervient dans la partie, effectivement, introduction, mais on le retrouve plus dans les objectifs. Alors, ça signifie effectivement qu'il y a eu une négociation, et je pense que c'est clairement un plan qui n'est pas à franchement parler. Ce qui n'est pas du tout un plan anti-capitalisme, c'est un plan anti-néolibéralisme et les mesures néolibérales qui pourrissent la vie de tout le monde. Enfin, voilà. Donc, c'est cette nuance qu'il faut avoir en tête. Et là, je pense que les 36 mesures y arrivent assez correctement. Il y a notamment des mesures qui sont, bon, qui sentent justement la patte des syndicats et de la CGT, de Solidaires, de la FSU. Donc, l'augmentation des salaires, évidemment. Des mesures contre la précarité pour le droit des intermittents, les carrières des femmes, qui est un élément important de ce plan de rupture, le partage du temps de travail qui est essentiel et là aussi qui est porté par les syndicats signataires. Bon, l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit et qui bénéficient d'aides publiques exceptionnelles. Donc, une vieille revendication, on va dire, de la gauche politique et syndicale, mais elle a le mérite d'être citée, d'être mise noir sur blanc et, bon, des politiques publiques d'anticipation, parce qu'il y a beaucoup question de politique publique dans ce plan de rupture. Donc, toujours dans une optique de transition écologique. Oui, alors en effet, on pourrait regarder de plus près, mais on ne va pas être fastidieux non plus. Hein, des mesures comme la mesure 13, mettre en œuvre un plan de politique publique d'anticipation, de soutien et de contrôle de la transition écologique. Évidemment, on y retrouve les Amis de la Terre, évidemment, on y retrouve Oxfam, évidemment, on y retrouve Greenpeace, par exemple. Hein. Par ailleurs, créer une sécurité sociale professionnelle, comme c'est annoncé, on imagine bien que la CGT, Solidaire et les inspecteurs du travail seraient particulièrement concernés. Le droit de garantie revenu et la protection sociale pour toutes et tous, là, on peut imaginer que des associations qui ne sont pas directement imposées, qui ne sont pas directement signataires, comme ATD Quart-Monde, le Secours Populaire ou le Secours Catholique ou le CCFD Terre Solidaire pourraient en être, quoi, hein. Donc voilà, on a un certain nombre de points qui sont et de thèmes, ça s'appelle des mesures, qui sont vraiment... qui sont portés par beaucoup de monde, quoi. Et je pense que ça peut pas surprendre. On doit pas être surpris lorsqu'on voit les signataires et lorsqu'on lit les mesures. Et alors, juste aussi, bon, sur le, moi, j'insiste sur l'objectif numéro 9, donc qui est une transformation des modes de production et de mobilité et de consommation. Bon, on a beaucoup parlé de la nécessité du monde d'après, les tribunes qui se sont multipliées et qui disaient qu'on pouvait plus vivre comme avant, que bon, la pandémie était là, le réchauffement climatique, toutes les calamités qui nous accablent. Donc il y a trois mesures justement qui vont dans ce sens-là. C'est Christian l'avait dit, c'est stopper toutes les négociations d'accords de commerce et d'investissement. Je crois que c'est important. Repenser les mobilités, et ça nous amène à la fameuse question des transports gratuits, mais on en reparlera. Et enfin, une loi pour bâtir ensemble et démocratiquement une économie de sobriété. Donc c'est aussi, sans parler de décroissance, hein, on ne va pas jusque-là, c'est oui, quand même... Oui, justement, je pensais à ça. Par rapport à la croissance, je voyais que c'était peut-être difficile de prendre une position pour le collectif, là. Mais finalement, quand on fait allusion donc, à l'économie de la sobriété, ça sous-tend en fait un peu... Bah, c'est un peu ce qu'a toujours dit notre ami Jean Gadret, hein, pour une politique de sobriété, c'est-à-dire satisfaire les besoins et arrêter un peu tout le gâchis, la surproduction. Évidemment, on ne parle pas de décroissance. D'ailleurs, ATTAC ne parle même pas de décroissance. C'est simplement aller vers la sobriété, c'est-à-dire en terminer avec le logiciel productiviste. Et faire en sorte que les besoins sociaux soient satisfaits. Jean-Jacques avait une question, une remarque. Mais alors là, c'est plutôt une remarque parce que je suis actuellement sur le site de Plus Jamais Ça, qui est assez bien fait, où on voit dans le Qui sommes-nous qu'il y a énormément d'organisations syndicales, c'est-à-dire tous les syndicats de mobilisation de rue, hein, CGT, FSU, Solidaires, Confédération Paysanne, d'autres organisations, bien sûr, ATTAC, COP21, énormément d'autres organisations qui sont là. Et alors, je voudrais souligner le paradoxe d'une unité qui est peut-être historique, enfin, faudrait voir, hein, mais historique des syndicats et des associations qui comptent aujourd'hui avant les présidentielles. Et puis, de l'autre côté, dans le champ politique, à gauche, un émiettement complet. Finalement, c'est une remarque, mais c'est un constat d'impuissance. Et c'est ce que finalement, devant cet émiettement politique complet, tout ça, finalement, ne sert à rien. Ne sert à rien, c'est un peu dur, là. Non, mais je crois qu'on devait le faire. Il fallait montrer, je pense, que le monde associatif et le monde syndical, enfin une partie d'entre eux, une partie d'elle, une partie de lui, étaient prêts à discuter avec tout le monde sur des propositions qui sont, je le répète, assez concrètes, pas fumeuses du tout, basées sur la réalité de la vie de nos concitoyens et qu'on veut prendre notre part dans les élections. On verra ce qu'elle sera. Je crois que nous, associations, syndicats, enfin je dis nous, mouvements sociaux, on fait la preuve justement que l'unité est possible et que les actions communes sont possibles. Donc bon, évidemment, tout le monde n'est pas là. Il y a certains syndicats qui évidemment ne sont pas sur cette ligne. Mais bon, c'est peut-être un encouragement justement pour les partis politiques de... pour reprendre ta question, Jean-Jacques, de s'unir et de faire, ouais, montrer également un front commun, au-delà des, disons, des querelles d'ego. Voilà, et bien justement, on va essayer de parler concret avec René et le travail que nous faisons donc localement, pour le coup, à Attac. Oui, alors justement, déjà, début 2020, je crois, il y avait déjà eu un collectif local qui s'était créé et qui avait été stoppé, en fait, par le deuxième confinement. Donc, en avril-mai 2021, nous avons décidé de relancer ce collectif. Alors, ça s'est concrétisé par une première réunion à la Bourse du Travail le 12 juillet. Les organisations présentes étaient les trois comités locaux Attac de la Métropole, l'Union locale CGT, Solidaire 59 et la FSU. Au cours de cette réunion, nous avons décidé déjà de contacter les antennes locales des organisations donc à l'initiative de Plus Jamais Ça, donc les 19 ou 20 premières organisations, mais aussi des organisations purement locales qui s'opposent aux grands projets inutiles et imposés sur la métropole, comme Parc Saint-Sauveur, comme NADA, pour leur proposer une réunion en vue de décider ensemble une ou plusieurs actions à mener, donc en référence aux 36 mesures du plan de rupture. Ceci au travers de trois objectifs. Premièrement, diffuser le plan de rupture et les 36 mesures proposées et le document, en quelque sorte, attenant, si je puis dire, pas d'emploi sur une planète morte, donc pour une transition écologique créatrice d'emplois, je le rappelle. Voilà. Autre objectif, accroître le rapport de force opposé aux logiques politiques et économiques actuelles et aux projets qu'elles soutiennent. Troisièmement, rendre visibles et soutenir les actions et initiatives en faveur de la transition. Donc, on critique le négatif et on met en valeur le positif. Voilà, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, enfin, ce qu'on va essayer de voir ici localement. Hein. Voilà. Et enfin, deux axes principaux de mobilisation ont été retenus au cours de cette réunion. La gratuité des transports en commun et la lutte contre les grands projets inutiles et intégrés. Et imposés, excusez-moi. Alors déjà, sur la métropole, donc l'extension de l'aéroport de Léquin, la friche Saint-Sauveur, la plateforme logistique de Marquis. Et au niveau de la région, bon ben déjà Tropicalia, dont on a quand même pas mal parlé, le centre de méthanisation de Bailleul et aussi les élevages intensifs, notamment dans les Flandres. Voilà. Ensuite, au cours de cette réunion, toujours, on a décidé la préparation d'un forum pour la deuxième quinzaine d'octobre, éventuellement d'un second forum au printemps 2022. Alors, oui, l'objectif du collectif est aussi d'inscrire des thématiques écologiques, sociales, démocratiques à l'horizon et à l'agenda des élections présidentielles. Bien sûr, nous avons dans le viseur aussi les élections présidentielles, comme nous l'avons dit, ce qui se passe au niveau national. Donc un temps fort aussi à signaler, c'est bien sûr l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités d'attaque, où étaient présents d'ailleurs Didier et Christian. Nous y étions. Voilà, et qui ont assisté donc aux conférences. Et enfin, une seconde réunion, que nous avions proposé, qui s'est tenue aux autres assos, c'était le 9 septembre, toujours à la Bourse du Travail. Donc étaient présents les 3 CL d'attaque, la FSU, l'ULCGT et Solidaire. Alors Greenpeace et Oxfam, qui nous avaient répondu, étaient intéressés, mais n'ont pu envoyer personne. Donc, Christian et Didier ont fait au cours de cette réunion un compte-rendu donc, de l'université d'été d'attaque. Et aussi des actions, les actions déjà menées au plan national, dont ils nous ont reparlé. Voilà. Alors, il faut noter que le collectif national donc, a changé d'intitulé. Alors maintenant, c'est toujours plus jamais ça, hashtag plus jamais ça, proposition pour un plan de rupture. Enfin, le forum envisagé pour la deuxième quinzaine d'octobre serait reporté à une date ultérieure, par exemple en novembre. L'invitation d'une personnalité nationale d'association ou de syndicat a été évoquée. Et une proposition a été faite au cours de cette réunion, choisir une thématique de plus jamais ça, dont vous a cité les différents objectifs, qui tournent autour de l'alimentaire en s'appuyant sur des exemples de projets inutiles qui empiéteraient sur les terres cultivables. Alors un exemple particulièrement un cas d'école, si je puis dire, c'est ce fameux entrepôt de Marquis. Donc bien sûr, nous l'avons signalé au collectif Chouanil de Marquis pour les inciter à nous rejoindre. Et enfin, il a été décidé que, compte tenu du fait que les organisations ne sont pas forcément disponibles, que ce soit elles qui proposent une date de réunion qui leur convienne. Voilà. Alors, on entre effectivement avec l'intervention de René, on entre vraiment dans la cuisine interne du groupe. C'est pas facile. Un truc qui descend de Paris, on essaie de le mettre en œuvre localement. Les locaux aiment bien avoir leur propre identité. Et c'est à tout cela que nous affrontons. Bon, déjà, on a quand même eu une réponse assez favorable de Parc. Oui. Effectivement, des entreprises, des associations très localisées, localement, qui sont très locales, vont pouvoir jouer le jeu. Donc, je voudrais résumer en une phrase, on ne peut pas se tromper, hein, ce n'est pas un projet. Le plan de rupture, c'est un plan de rupture qui n'est pas anticapitaliste comme certains voudraient le voir, mais c'est un projet anti-néolibéral de qualité qui bouscule aujourd'hui les méthodes de gouvernement Macron. On va faire une coupure musicale qu'a choisi avec soin Jean-Jacques. Je pleure, je vois bien depuis la scène que tout ça c'est possible. Croquer cette vie à fond sans se prendre pour cible. Allez viens qu'on échange des idées, pas des gifles. Et tant pis si ça choque la peur et le racisme. À leurs yeux, nous ne sommes après tout que des chiffres. Et devant les ordis, ils attendront ces tripes. C'est comme ça qu'ils agissent, c'est comme ça qu'ils divisent. Et c'est pour ça qu'ils visent sans cesse ces liens qui nous unissent, ouais. Était-ce un rêve ou bien un mirage? Tant de traits différents sur un même visage. Tant de gens répondant à l'appel du message. Tant d'êtres différents sur le même rivage. Ouais, était-ce un rêve ou bien un présage? Tant de cœurs souriant derrière le grillage. Tant de pieds à marcher dans le même sillage. Armé d'une rage à plus de 1000 cages. Ouais. Everybody. qu'on est. À vouloir se comprendre, vois tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, vois tout ce qu'on est. À repousser les cendres, vois tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, vois tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. Des soirs je suis down, l'impression que tout tombe autour. Faire la course de ma vie avec une corde au cou. Et un jour, le temps a décimé les amis. J'ai soigné mon cœur en y entrant Mohamed Ali. Alors, merci, merci pour les heures où on a eu le sentiment de ne pas être seul debout sur la scène. Face à des milliers de gens qui regardent, la pudeur et la crainte ont baissé la garde. Faut pas se cacher, on vient de la rue. On a culpabilisé de devenir si connu. Les larmes ont coulé sur l'oreiller, cette souffrance, faut croire que c'était le lourd prix à payer. On noircit l'horizon, veut chasser le vide, comme l'armée qui est venue pour écraser le Cid. Ainsi est le chemin de pénitence, aucune référence à la chanson pour y Made in France. Et ceux qui décident de croire qu'on est deux, tout ce qu'on est, ils ignorent qu'on est si nombreux. S'ils savaient qu'on est bien ensemble, sans crier qu'on aime l'autre et partir en le laissant sans. Qu'on aime le monde en le ravageant, et débarquer pour le sauver à la Jean Valjean. À se voir et s'apprendre, vois tout ce qu'on est. À repousser les cendres, vois tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, vois tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, vois tout ce qu'on est. À repousser les cendres, vois tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, vois tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, vois tout ce qu'on est. À repousser les cendres, vois tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, vois tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait, le monde sera ce qu'on en fait. Attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, sur Radio Campus. Sur Radio Campus. Donc les actualités d'attaque, on va commencer avec, on va être assez rapide là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes. Donc il faut quand même dire qu'elle a réuni plus de 1800 participants avec des ateliers. Il y avait une soixantaine d'ateliers, des forums, des modules, enfin, et 440 organisations locales et nationales qui étaient... 440 associations locales et nationales qui étaient présentes. Donc c'est quand même un franc succès, et on peut dire que c'est aussi parce que l'université d'été de 2020, qui devait se tenir également à Nantes, n'a pas pu avoir lieu. Donc on sentait chez les militants présents, les mouvements sociaux présents, on sentait quand même un manque, et ça a été justement un grand succès qui, espérons-le, nous mènera vers des batailles futures justement importantes. Ensuite... Et dans les 64 ateliers, il y a eu le nôtre, quand même. Il y a eu le nôtre, évidemment. Sur la gratuité des transports publics. Sur la gratuité en général et sur la gratuité des transports publics en particulier. Donc c'était un atelier qui avait été organisé, où il y a eu une présentation de ce qu'on fait notamment à Roubaix. Je crois que ça a quand même retenu l'attention des participants. Sur l'observatoire de la justice fiscale, donc ATTAC vient de lancer un observatoire de la justice fiscale qui est piloté par un militant de Solidaires Finances Publiques et d'ATTAC qui s'appelle Vincent Drezet. C'est pour une meilleure pédagogie de l'impôt et des finances publiques et aussi pour indiquer une réorientation des politiques fiscales avec pour objectif de contrer les idées fausses et les mensonges qui risquent d'influer sur le débat fiscal au cours de la campagne. Donc ça sera quand même un enjeu important également des présidentielles, et ça coïncide avec la sortie d'un nouveau livre d'attaque qui s'appelle « Impôts, idées fausses et vraies injustices ». Donc on en parle parce que l'AG du comité local d'attaque de Roubaix-Tourcoing aura lieu ce mardi 21 septembre. Et qu'on parlera aussi inégalité, pauvreté et fiscalité avec comme invité un camarade de Villeneuve-d'Ascq qui s'appelle René Dassonville, donc qui est également de Solidaires Finances Publiques et d'Attaque. Voilà. Oui, très bien. C'est important de cette justice, cet observatoire de la justice fiscale. Et sans vous le promettre dans l'air, on va essayer, bien sûr, d'avoir Vincent Drezet à notre micro une toute prochaine fois. René, tu continues avec La 19e édition d'Images mouvementées, le festival de cinéma d'Attaque. Des alternatives existent face à la servitude moderne et à la soumission à une logique néolibérale sans pitié. Mise en commun, partage, coopération, solidarité sont autant de notions qui échappent à l'économie de marché et qui peuvent permettre de la contourner, sinon de la détruire. Avec cette 19e édition du festival Images mouvementées, c'est par le biais du cinéma et des débats qu'Attaque vous propose de définir ensemble les contours de cette servitude moderne et d'imaginer comment nous délivrer de toutes ces emprises pour reprendre collectivement le contrôle de nos destinées. La liste des projections débats est disponible sur le site d'Attaque France et je crois que tu as aussi un autre site. Oui, ça s'appelle tout simplement imagemouvementée.fr. Voilà. En un seul mot, images mouvementées, évidemment. Et avec la participation, Oui. Ensuite. Je voulais dire autre chose. Donc, oui. Tu disais la liste des projections débats disponibles sur le site d'Attaque France. On y trouve notamment le dernier film de François Ruffin, Debout les femmes, que j'ai pu voir en avant-avant-première ou en pré-avant-première, mercredi soir. Et je vous conseille d'aller voir ce film qui est très, très intéressant, à beaucoup de points de vue, sur la situation, effectivement, des femmes qui sont interviewées par François Ruffin, son acolyte qui est d'En Marche, qui c'est pas mal non plus, et puis la non-participation à cette idée d'améliorer le sort de ces femmes de ménage qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., ou à domicile. L'indifférence totale du monde d'En Marche, c'est magique, c'est tragique de voir cette séance à l'Assemblée nationale. Christian, tu as quand même dit là que Ruffin a fait un film avec un acolyte de En Marche. Oui. Un film ensemble. Oui, j'ai oublié le. Oui, alors. Des convergences. Je dois préciser. Tu as raison. C'est bien. Tu me reprends bien, Jean-Jacques. J'aime bien. Donc tu oui. Alors j'ai oublié son nom. Mais c'est parce que c'est une commission parlementaire et donc qui est forcément bicéphale. Elle était proposée par François Ruffin et La République en Marche. Mais si j'avais son nom, ce serait encore mieux. Mais je vais vous dire comment on l'appelle. On l'appelle le Trump d'En Marche, en fait. Et au contraire, et c'est un type qui change beaucoup au cours du reportage. Oui, très important. C'est bien une commission officielle et c'est pour ça que j'ai encore en travers de la gorge ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et ce vote contre systématique de toute La République en Marche. Mm-hmm. Excusez-moi, merci pour la question. Enfin, alors, une autre... Bruno Bonnel. Voilà. Bruno Bonnel. Le Trump français. Un nom à retenir. Bonnel. Ensuite, l'accès à l'avortement est un droit fondamental en France, en Europe et dans le monde. Durant la crise sanitaire, l'accès à l'avortement a été restreint. Certaines femmes ont dû se rendre dans des pays voisins ou renoncer à avorter. L'avortement, qui est pourtant un droit protégé par le code pénal, ne cesse d'être mis en danger par la mouvance anti-IVG. Nous devons nous mobiliser pour défendre ce droit. Donc, Attaque appelle à manifester à l'occasion de la Journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement le 25 septembre 2021. Au plan local. Oui, au plan local. Donc, c'est oui. Au parc, le parc Saint-Sauveur, évidemment, qui est toujours d'actualité. Il y a une décision définitive du tribunal administratif. Et pour ce 23 septembre, aura lieu un rassemblement devant le tribunal administratif de Lille, René. Oui, c'est ça. Donc l'association Parc Saint-Sauveur vous invite à la rejoindre devant le tribunal administratif de Lille, bien sûr. C'est 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, donc le 23 septembre, à partir de 12h30. Une auberge espagnole et des prises de parole sont prévues. On doute de rien, une auberge espagnole dans la rue, ça va être assez sympa. L'audience publique commence à 13h50. La carte d'identité est requise à l'entrée du tribunal. Et aujourd'hui même, à 18h, Parc vous propose de venir les rencontrer sur le Belvédère, vous voyez où c'est, au bateau pirate, pour échanger sur cette affaire et voir l'avancée des potagers autour aussi d'un apéro auberge espagnole. Vous pouvez bien sûr toujours aussi signer la pétition et soutenir financièrement l'association via le site Helloasso. Nada, alors, et donc non à l'aéroport de Lille, réunion publique du Conseil régional jeudi 16 septembre. Organisée par les porteurs du projet d'extension, comme le SMALIM, la direction de l'aéroport, etc., elle portait sur le résultat des études environnementales et les modifications apportées suite aux recommandations de l'agence environnementale, mais également sur des aspects socio-économiques. La réunion a été marquée par l'intervention des représentants des associations de riverains, notamment des villes de Fretin, Gondecourt et Seclin, qui ont exprimé vivement leur incompréhension par rapport à l'insuffisance de prise en compte des nuisances auxquelles ils sont exposés. Il faut savoir aussi que l'optique des décideurs, enfin des porteurs du projet, reste toujours dans une logique de concurrence, croissance, concurrence, une logique commerciale. Et de libre marché. Voilà. On termine avec... Il y a les transports gratuits. Oui, sur les transports gratuits. Donc, c'est toujours le collectif Transport Gratuit Roubaix. Donc, une réunion est prévue pour une réunion de rentrée pour le 20 septembre. Donc, c'est à 18h à la FAL, au 20 rue de Lille, à Roubaix. Donc, il y aura deux gros points à l'ordre du jour qui sont le compte-rendu de la conférence de Julie Valin à l'Université d'été d'attaque des mouvements sociaux et des solidarités. Bon, dire un peu ce qui s'est passé dans cet atelier sur lequel on s'est quand même beaucoup investi, et aussi la suite des actions sur Roubaix. Donc on en est resté à tirer les sonnettes dans le quartier du Cul-de-Four et à faire signer des pétitions. Donc là, ça va repartir avec le comité de quartier Moulin-Potainerie qui a accepté de mener des actions conjointement avec nous. Voilà, simplement, je voulais dire aussi que l'AG de Roubaix-Tourcoing, elle se passait au même endroit, donc au 20 rue de Lille à Roubaix, à la FAL. Et c'est le lendemain, le 21 septembre. Voilà, notre émission d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau plan de rupture. Mettez-le à la réflexion, à la critique. En allant le voir sur le site d'Attaque Nationale. C'est encore une fois, c'est pas trop long à lire, c'est pas trop difficile, et c'est surtout très d'actualité. Vous comprendrez vraiment ça. Vous pourrez vraiment comprendre ça. Bien, je vois. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On vous donne deux rendez-vous en octobre. Je ne sais plus les dates, mais puisqu'il y a 5 samedis et dans notre grande habitude, on prend le 5e samedi puisqu'on a vraiment des tas de choses à dire. Nous vous souhaitons un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.